Bon alors les gars, vous connaissez les règles. Pas de coup bas, pas de rime en dessous de la ceinture. Si l'un vous tombe à terre par manque d'inspiration, il aura 10 jours pour se relever. S'il ne le fait pas, il sera considéré comme vaincu. Messieurs, offrez-nous un bon spectacle. Descends dans la cave, ça sent la moisissure, ça transpire. Des cicatrices sur les cahiers en guise de rature. Ça fait des fractures sur quelques mesures. Le but, faire apparaître le sourire sur les figures. Le rap, une musique de lutte, un truc qui percute. Un beat qui boxe, un truc qui fout des supercutes. Pas de flic qui flow, qui fait faux. Non, pas de faux, non, pas de yo, non. Alors vole comme un papillon et pique comme une abeille. Conne radio, donne-moi du punch dans les oreilles. Vas-y, mets du style. Corps, rime croisé, gauche, droite, faut que ça enchaîne. Chacun son style, son flow, chacun son tempo. Old school, ou comme des animaux. Le fond, la forme, commercial ou underground. Et ta garde ou c'est le chaos à la fin du premier round. Viens sur scène, ici c'est mon ring. Chacun va faire ses rimes avant que la cloche fasse ding ding. Enfin de doping, ma force est mon swing. Une seule connexion pour l'heure du rap, big bang. Dans la C, regard serré, regarde-moi passer. Au son de la cloche, vas-y. Le son qui bastonne dans les blocs, danse d'électrochoc. Graffé sur les rocks, hip hip hop. Freestyle dans les corps, rap, dominer la horde, rap, maîtriser son arrêt. Box. Un combat sur le ring, un clash dans le parking. Tête à tête au beatbox, hip hip hop. Comment tu te sens? Ok, je suis prêt. Je fais le petit détail en pièces. Ok, tu vas mettre tous ces enfoirés au parfum, man. C'est tout bon, man. C'est à toi. Adepte de la castagne, le king de la catch. Pose sec, un puncher né pour croiser. À moi le record des points jetés. La tactique, casser le rythme et dans les cordes, envoyer la purée. Depuis j'arpente les salvetus, les rings improvisés. Là où les coups sont portés, mec affûté, déterminé, excité de voir le regard inquiet d'un coach. Entendre l'arbitre décompter, voir vaciller, s'écrouler. L'arcade explosée, les pommettes gonflées à bloc. La pression monte quand la foule débloque. Lourd, ça frappe dur, sans la touche. Pas bon quand c'est grimace et pim pam boum. Tiens, j't'envoie face. Alors vise haut, prépare-toi solidement. Des heures et des heures avant la phase de crise mental, taillé dans faux fond. Tout le monde s'extase du bon temps. Reste les coups et voit le combat différent. Fini d'être novice, sois vif. Les yeux bien ouverts, esquive les coups. Fini d'être passif, engagé comme Mali enragé. Vas-y boumailler le tout, c'est de comprendre. Se sentir libre avec les limites du ring. Dans la C, regard serré, regarde-moi passer. Au son de la cloche, vas-y. Le son qui bastonne dans les blocs, danse d'électrochoc. Graffé sur les rocks, hip hip hop. Freestyle dans les corps, rap, dominer la horde, rap, maîtriser son arrêt. Box. Un combat sur le ring, un clash dans le parking. Tête à tête au beatbox, hip hip hop. Sonner, ma terre te paraît floue. J'entends des comptes. Faut que je tienne le coup, me remettre debout. Remonter à bloc, c'est pas maintenant. Okay. Je me ferai terrasser. J'ai pas fini. Ok, dernier round jusqu'à la dernière seconde. J'ai pas tout dit, pas tout donné. C'est pas terminé, le tout c'est pas tchatché. À tout va comme un abruti. Rap avec ta tête ou tu finiras. On t'a menacé. Regard serré, regarde-moi passer. Au son de la cloche, vas-y. Box. Le son qui bastonne dans les blocs, danse d'électrochoc. Graffé sur les rocks, hip hip hop. Freestyle dans les corps, rap, dominer la horde, rap, maîtriser son arrêt. Box. Un combat sur le ring, un clash dans le parking. Tête à tête au beatbox, hip